Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à écouter une émission lyrique réalisée dans le grand auditorium de la Maison de l'Office de radiodiffusion télévision française à Paris. Cette émission est consacrée au drame en deux actes d'Arthur Miller, « Vue du pont », adaptation française de Jean-Marie Martin, musique de Renzo Rossellini. En voici la distribution, Eddie Carbone, Franz Petri, Béatrice, Jacqueline Albin-Brumaire, Catherine, Eliane Lublin, Rodolfo, André Malabrera, Marco, Claude Gentil, l'avocat Alfieri, Bernard de Migny, Louis, Jean-Paul Vauquelin, Mike, Jacques Potier, le premier agent, Jean Rallot, Tony, Joseph Perron. Texte de présentation de Denise Vautrin, dit par Jacqueline Clay. Mise en onde musicale, Ivan Devriès. Directeur du son, René Cambien, assisté de Jean Chapeau. Les interprètes, l'orchestre lyrique et les chœurs de l'Office de radiodiffusion et télévision française, chef des chœurs Jean-Paul Créder, sont placés sous la direction de Gianfranco Rivoli. Renzo Rossellini, en composant son opéra Vue du pont, a tenu à respecter la structure du drame d'Arthur Miller. C'est-à-dire qu'il a enchaîné sa musique tout comme s'enchaînait le texte, sans solution de continuité, quelles que soient les différences de lieu et de temps. Pas de tableau successif avec baissée de rideau ou changement de décor, mais dans un praticable unique, la juxtaposition des divers points nécessaires à l'action, avec éclairage du seul endroit opportun, le reste disparaissant dans l'obscurité. Le spectateur, tant au cinéma qu'au théâtre ou à la télévision, est maintenant entraîné à ses suites de séquences, voire de flashs. L'auditeur, lui, est moins bien placé pour suivre ce genre d'ouvrage, surtout lorsque le speaker est dans l'impossibilité d'intervenir. C'est ici le cas, puisqu'au cours de chacun des deux actes, la partition est ininterrompue. Il convient donc d'écouter attentivement les paroles en même temps que la musique, de se laisser imprégner par le climat, par le style, afin qu'une sorte de logique de circonstance établisse la transition entre les scènes successives. Le caractère des personnages, et parfois leur comportement, sera par ailleurs commenté par l'avocat Alfieri, dont le rôle d'abord parallèle à l'action s'y trouvera ensuite directement mêlé. Cet avocat, qui a 55 ans, qui est intelligent, digne et réfléchi, représente un peu le cœur antique, et ce n'est point par hasard que l'auteur lui fait souligner qu'Italiens et Siciliens furent contemporains des Carthaginois et des Grecs. Certes, les jeux de scène sont nombreux et feront ici défaut. Disons seulement que l'action est soutenue par des gestes simples, familiers, révélateurs de la pensée subconsciente. Par exemple, quand Eddie Carbone, tout à l'heure, entrera chez lui, il ira pendre son veston de travail et sa casquette au porte-manteau du living. Ce faisant, il regardera Catherine et la verra habillée comme une vraie demoiselle. Cela lui fera plaisir, mais il sera un peu intimidé pour lui parler. Et plus tard, quand il lui faudra consentir à ce qu'elle aille chercher du travail au dehors, il considérera encore longuement et les larmes lui monteront aux yeux parce qu'il aura soudain la sensation de l'adolescence, de la jeunesse de Catherine, des années qui passent. En même temps, il sourira et Catherine, qui l'aime beaucoup, courra à lui et l'embrassera bien fort comme une gosse. Seulement maintenant, c'est une femme, et tout le drame vient de là. Il se déroule à New York vers l'année 1950. Nous voyons une rue et la façade d'un immeuble ouvrier dans le quartier italien, sous le pont de Brooklyn. L'appartement occupé par les Carbone est au rez-de-chaussée de cet immeuble. Nous voyons la pièce de séjour, le living, assez pauvrement meublé, qui donne directement sur le palier et commande la cuisine et les deux chambres. Eddie Carbone, 38 ans, et sa femme Béatrice, 35 ans, occupent l'une des chambres. L'autre est la chambre de Catherine. Catherine est née voici 17 ans. Sa mère, qui était la sœur de Béatrice, est morte en la mettant au monde. Les Carbone l'ont recueillie. Ils ont élevé, choyé, instruit cette nièce orpheline, mieux encore peut-être que si elle avait été leur propre fille. Les ascendants d'Eddie et ceux de Béatrice étaient venus de Sicile à New York, au temps lointain de leur jeunesse. Eddie, comme Béatrice, sont nés à Brooklyn, dans le quartier italien. Ils s'y sont connus, mariés, ils y ont toujours vécu, travaillé, ils sont citoyens des États-Unis, mais il reste en eux, surtout en Eddie, malgré son prénom américain, quelque chose de typiquement, d'absolument sicilien. Le sens de l'entraide familiale, notamment, avec le respect aveugle de la force physique, de la virilité, de la vertu féminine et d'un certain honneur masculin assez simpliste et conventionnel. Tels sont les éléments de base de l'action au moment où elle s'engage. L'avocat Alfieri passe sous le pont de Brooklyn pour se rendre à son bureau. Il sera salué par deux débardeurs du port qui jouent au sou contre la maison de Carbone. Rappelons que le point où se déroule l'action est au théâtre seul éclairé. Ce sera bientôt le living de Carbone, ensuite la rue et à nouveau le living, encore la rue 15 jours plus tard, le living et enfin le bureau d'Alfieri. Présentement, l'éclairage est sur la rue, vue du pont. Vous avez vu comme ils m'ont salué? On dirait qu'ils ont peur. C'est parce que je suis un avocat. Voir un prêtre ou un avocat dans ce quartier, ça porte malheur. On pense tout de suite à un désastre. Aussi au large. Je pense souvent aux milliers de soupçons qui sommeillent derrière ces saluts méfiants. Avocat signifie loi. Et le mot « loi » en Sicile, là d'où viennent leurs pères, n'a jamais eu un sens amical, même au temps des Grecs ou des Carthaginois. J'ai une tendance à voir le côté catastrophique des choses, peut-être parce que je suis né en Italie. Je suis venu ici quand j'avais 25 ans. À cette époque, Al Capone, et le plus grand des gangsters, faisait ses premières armes dans ces parages. Et le fameux Frankie Yale fut littéralement scié en deux par un mitrailleur au coin d'Union Street, là, derrière, à deux pas. Oh, bien des gens furent à bon droit abattus ici par des hors-la-loi. La justice est une chose très importante ici. Mais nous ne sommes pas en Sicile. Nous sommes à Red Hook. C'est une espèce de bas quartier de Brooklyn qui va du port vers l'Atlantique. Ça, c'est le gosier de New York qui engloutit tout le tonnage du monde. Maintenant, nous sommes tous américanisés, tous civilisés. Mettons-nous d'accord, transigeons, et je n'ai plus besoin de garder un pistolet dans le tiroir de mon bureau. Et quant à ma clientèle, c'est la moins romantique qu'on puisse imaginer. Ma femme et mes amis me critiquent. Ils disent que les gens de ce quartier ne sont pas élégants, ne sont pas brillants. Au fond, dans ma vie, à qui ai-je eu affaire? Débardeur? Porteur? Femme, père, fils, grands-parents de débardeurs et de porteurs, chassés, malheureux. Procès de famille, les misérables querelles des pauvres. Et pourtant, de temps en temps, il y a encore quelque chose. Pendant que les gens se racontent leurs bonnes raisons ou leurs torts, un souffle d'air venu de la mer change l'atmosphère de mon bureau et chasse la poussière. Alors il me vient à l'esprit qu'au temps des Césars, peut-être en Calabre ou sur les récifs de Syracuse, quelque autre avocat, vêtu tout autrement que moi, a écouté les mêmes bonnes raisons ou torts et est resté comme moi à assister, impuissant, au cours sanguinaire des événements. Le nom de celui-ci était Eddie Carbone. Il travaillait au port, il débardait du pont de Brooklyn jusqu'au môle, où commence la haute mer. Salut! Oui? Tu travailles demain? Sur ce cargo. Salut! Oui! Oh! Savent-ils où ils vont dormir? Par terre, je l'écris. Béatrice, je te connais bien. Avec ton bon cœur, nous finirons par terre, toi et moi. Et tes cousins dormiront dans notre lit. J'ai compris, je leur dirai d'aller ailleurs. Béatrice, que fais-tu? Attends. Je ne veux pas qu'ils profitent de toi. Tu comprends? Tu es trop bonne. D'ailleurs, crois-moi, Béatrice, c'est un honneur. Si mon père n'était pas venu ici, si j'étais resté à mourir de faim là-bas, et que j'aurais un parent d'Amérique qui puisse m'accueillir, celui-là se sentirait honoré de me recevoir chez lui. Savoir. Elle a trouvé du travail. Mais quel travail? Tu dois finir ton école. Et tu seras très étonnée. Non, non, tu dois finir ton école. Mais quel travail, bon Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, tout d'un coup. C'est une grosse entreprise hydraulique, tout près de l'arsenal. $50 par semaine. 50. 50. Parole, je le jure. Et tu l'enverrais par voyer, errer ta mère dans une rue pleine de marins. Mais alors, qu'a-t-elle été faire à l'école? Mais 50 par semaine est dit. Et qui t'a jamais demandé un sou? Je t'ai fait vivre jusqu'à maintenant. Je peux le faire encore. Je veux t'envoyer dans un autre milieu, tout différent, à New York, à ici. Un bureau d'avocat dans un quartier chic. C'est autre chose. Et si quelqu'un demande s'ils habitent ici, voix, pas d'importance. Il suffit que toi, tu ne les vois pas. Me comprends-tu, Béatrice? Vous ne voyez et vous ne savez rien. Oui, mais ma mère le saura. Elle le saura, mais ce ne doit pas être toi qui le lui aura dit. Il ne faut pas plaisanter. Ici, c'est le gouvernement des États-Unis, le bureau d'immigration. Te souviens-tu de Fini Bolzano? Dieu miséricorde! Dis-lui qui c'était. Tu étais enfant. C'était une famille qui habitait pas loin de chez sa mère. Le garçon avait 16 ans. La famille cachait un oncle. Et le dénonçant à l'immigration. Le jeune homme le dénonçant. Il dénonça son oncle. Qu'est-ce que tu t'imagines? Alors, toi, Greta Garbo, on commence lundi. J'espère que tu auras de la chance et que tout ira bien pour toi. De tout cœur. Mais je ne parle pas pour la lune. Elle sait bien, mais je n'y avais jamais pensé. Que tu devais grandir un jour. C'était un brave homme, autant que lui permettait l'existence qu'il menait. Une vie rude et monotone. Il travaillait au port quand il y avait du travail et il ramenait toute sa paye à la maison. Et ce soir-là, vers les 10 heures, après le dîner, les cousins sont arrivés. Merci. Vous êtes arrivés. Ne vous faites pas voir de trop. Au rez-de-chaussée. Merci. À demain matin, au dock, vous commencerez le travail. Boucle-la. Marco. Oh, vous êtes arrivé. Tu es ma cousine. Beatrice, Marie, Lady. Frère Rodolfo, je voudrais dire tout de suite, Eddie, quand tu nous diras de partir, nous partirons aussitôt. Mais non, je vois que la maison n'est pas très grande, mais bientôt, avec l'aide de Dieu, nous aurons une maison à nous. Vous êtes les bienvenus. Marco, ici, il y a à cette place. Cathy, fais le café. Tréchiquipe nous a conduits. Il dit que demain nous commencerons à travailler. Est-ce possible? Non, mais jusqu'à ce que vous les ayez payés, et ils vous en trouveront du travail. T'as déjà travaillé au port? En Italie? Au port? Non. Ça va encore mal chez vous, là-bas. Eh oui, ça va mal. Très mal. Tous les jours, on est là à traîner au milieu de la place, autour de la fontaine, comme des pigeons. Et tous, on attend le train. Voyageurs sont nombreux et que t'as ta chance, tu peux gagner quelques lire en poussant la voiture dans la montée. Tu es marié, toi? Oui, et j'ai trois gosses. Faire. Le plus grand est très malade. Ma femme se prive de tout pour eux. Si j'étais resté, il mourrait. Si nous pouvions rester quelques mois ici, Béatrice. Vous êtes ici chez vous. Je pourrais le renvoyer peut-être un peu plus si je reste ici. Ma femme, oh, ma femme. Ne me remercie pas, je n'y suis pour rien. Es-tu marié, toi aussi? Moi? Non, je n'ai pas d'argent pour me marier. Je ne suis pas mal, mais je n'ai pas d'argent. Toi aussi, tu veux rester ici? Moi? Pour toujours, oui. Moi, je veux devenir américain. Et je je veux retourner en Italie quand je serai riche. Je sais chanter au besoin. Chanter comment? Sicilienne, jazz, romance et l'opéra. Sur ces échasses, Greta Garbo. Je ne sais pas pour ce soir. Je croyais. Fais-moi le plaisir. File. Ici, en Amérique. Chez nous aussi, toutes. Oui, surtout, quand elles sont si Carbone et ne se serait jamais attendu à avoir un destin. Un homme travaille, élève sa famille, joue aux boules, mange, vieillit et puis meurt. Au lieu de ça, maintenant, au cours des semaines, un avenir se dessine. En Eddie Carbone et croissait un tourment qui n'arrivait à disparaître. Pour toi, Béatrice. J'ai d'autres souci. Lesquels? Vas-tu continuer à délaisser ta femme, Betty? Je ne suis pas bien depuis qu'ils sont venus. Je ne suis plus moi-même. Il y a trois mois que tu n'es plus toi-même. Et eux, ils sont arrivés depuis deux semaines. Je ne sais pas, Béatrice. Dis-moi, ai-je fait quelque chose qui ne te plaît pas? Je n'ai rien à dire, ça passera, Béatrice. La cabine, elle va avoir visiteur. C'est son âme. Mais il a fait marcher Béatrice. Je n'aime pas ça, tu comprends. Fais un tour, je rentre tout de suite. Si tu les attends dans la rue, je reviens tout de suite. Que fais-tu, une partie de poule ce soir? Trop fatigué, mais au lit. Et tes deux clandestins. Ça va bien. Le plus gros est comme un bœuf. Si on ne reconnaît pas, il te charge un bateau à lui tout seul. L'autre, le blond. Celui-là, c'est un marron. Où qu'il arrive, tous en rigolent. Ouais. C'est un marron. Bon, salut, Eddie. Portez-vous bien. S'il t'épouse, il devient citoyen américain. Il cherche à rester ici. C'est seulement ça qu'il cherche. C'est stupide pour en parler justement à toi. Je suis sûre qu'il n'y pense pas du tout. Il n'y pense pas. À quoi d'autre peut-il penser? À quoi peut-il penser? Mais je ne peux pas le croire. Cathy, ne me fais pas souffrir ainsi. Je ne veux rien entendre. Cathy, écoute. Mais puis il m'aime. Non, pas ça. C'est un vieux truc. Depuis qu'il y a en Amérique, depuis qu'il y a le bureau d'immigration, ils ne font rien d'autre. Mais pourquoi lui ouvres-tu pas les yeux, toi? Devenue une femme, et tu as trouvé un garçon. C'est à cette époque qu'il est venu me voir pour la première fois. J'avais défendu son père dans une affaire d'accident quelques années plus tôt, et je connaissais superficiellement la famille. Je m'en souviens maintenant. Je le vois entrer dans mon bureau. Ses yeux étaient comme deux trous noirs. Tout d'abord, j'ai pensé qu'il avait assassiné quelqu'un. Et puis, je me suis aperçu qu'il s'agissait seulement d'une passion. Une passion qui était entrée en lui comme une étrangère. Je ne vois pas exactement ce qu'on peut faire pour toi. Est-ce que la loi a quelque chose à voir dans tout ça? Écoutez, moi je vous parle de loi, monsieur Alfieri. Tous au port lui rit derrière le dos. Et moi je ne sais plus où me cacher. Il l'appelle Biondina, Biondina. Son frère dit qu'il est communicatif, mais les gens ne rient pas pour ça. On ne dit rien parce qu'il est mon parent, mais je le sais, et quand je pense qu'un type comme ça a des idées sur elle, mais je me ronge les sangs. Monsieur Alfieri, car j'ai tant fait, tant bavé pour cette petite. Et celui-là arrive dans ma maison. Et dis, écoute, moi aussi j'ai des enfants, je te comprends. Mais la loi est très précise. La loi... Mais bon sang, que voulez-vous dire? Il n'y a pas de loi pour quelqu'un qui n'est pas normal. Il peut aller travailler, épouser une fille. Rien, pour la loi, il n'y a qu'une question. Et laquelle? Eh bien, ils sont entrés illégalement. Alors, Seigneur, oh, ça, oh, je ne le ferai jamais, jamais, jamais. Tu vas l'écouter. Un homme travaille dur, il élève un enfant. Parfois c'est sa nièce, parfois c'est sa fille, et peu à peu, sans qu'il s'en aperçoive, les années passent, il y a trop d'amour pour cette fille, trop d'amour pour cette nièce. Que voulez-vous dire? Que je ne pourrai plus m'occuper de son bien-être. Si, mais ces choses-là ont une fin, mais dis, la petite grandir et s'en aller. Laisse-la partir. Je te le conseille. Fais-le. Allons. La loi ne peut rien faire. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Et bonne nuit. Que vas-tu faire alors? Que pourrais-je faire? Je suis un malheureux. J'ai travaillé pendant 20 ans comme un chien, pour la donner à ce bâtard. Mais autant de détresse, quand dans le port il n'entrait pas un bateau, je ne restais pas à attendre. Teresa Hoboken was Staten Island. Sur le west side, a Jersey, partout. À ma femme et maintenant je dois supporter me dévaster comme celui-là. Il est arrivé ici tout nu. Je lui ai donné mon toit pour dormir. Pour lui, j'aurais retiré les couvertures de mon propre lit. Et il me la prend et il la touche. Il met ses salves. Ça de la tête, vois si tu y arrives. Non, non. Nous nous reverrons, monsieur Alfier. Le désordre s'accentue dans le cerveau et le cœur d'Eddie. Est-il sincère dans son erreur lorsqu'il affirme que Rodolfo n'est pas viril, n'est pas un homme digne de ce nom, qu'il ne veut épouser Catherine que pour avoir le droit de rester aux États-Unis, qu'on ne doit pas permettre ce mariage qui salirait la jeune fille, qui ferait son malheur? Ou bien Eddie, ravagé par une passion qu'il refuse de s'avouer à lui-même, s'abandonne-t-il consciemment et volontairement à des allégations mensongères afin de garder Catherine? En tout cas, lorsqu'un soir il rentre chez lui à l'improviste, ayant bu plus que de raison, et qu'il voit Catherine sortir de sa chambre suivie de Rodolfo, il n'est plus maître de lui. Il saisit Catherine et l'embrasse ardemment. Puis, pour humilier Rodolfo, il l'embrasse lui aussi comme s'il était une femme. Et parce que l'avocat Alfieri ne lui donne pas raison, Eddie sombre dans l'égarement et commet une abjecte délation. Non seulement ses cousins sont arrêtés, mais aussi par fatalité deux autres émigrants clandestins. Marco le traite de mouchard, lui crache au visage, mais dans son orgueil sicilien, c'est Eddie qui se déclare l'offensé parce que Marco l'a insulté devant tout le quartier. C'est lui qui crie vengeance, qui réclame que Marco se rétracte pour lui rendre son honneur. Mais il n'empêchera pas pour autant le mariage de Catherine et de Rodolfo, non plus que l'aboutissement tragique de son propre destin. Sept tableaux s'enchaînent dans le deuxième acte. Le living, alors que Catherine ajuste un patron de papier sur une étoffe dont elle veut se faire une robe et qu'elle a étendue sur une table. Le bureau d'Alfieri, une cabine téléphonique. Le living, un parloir de prison quelques jours plus tard, le living et la rue vue du pont. Décembre de cette année-là, une caisse de whisky glissa entre les mailles d'un filet pendant qu'on le chargeait. C'est une chose qui arrive facilement à une caisse de whisky l'avant-veille de Noël au quai 41. Il n'y avait pas de neige, mais il faisait très froid. La femme d'Eddie faisait des emplettes, Marco était au travail, mais Rodolfo n'avait pas été embauché ce jour-là. Catherine m'a dit depuis que c'était la première fois qu'ils se trouvaient ensemble, seuls à la maison. Épouses-tu un milliardaire? Non, toi et moi, nous irions là. Quand nous serons mariés? Tu veux devenir italienne? Non, pourquoi donc? Tant d'Américains vivent en Italie. Pour toujours? Oui. Tu veux rire? Tu dis toujours que c'est si bon là-bas. Caterina, si nous partions jamais pour la Sicile, sans argent, sans travail, sans rien, je crois que nous serions plus heureux là-bas. Et que mangerais-tu? Tout le monde chante à Naples. Moi, je travaillerai pour toi. Mais en somme, que devrais-je faire? T'emmener d'un pays si riche vers un pays si misérable? Pourquoi? J'ai peur d'Eddie, ici. Mais pourquoi as-tu si peur de lui? Revue le 27 décembre. D'habitude, je rentre à la maison bien avant 6 heures, mais ce jour-là, je suis resté au bureau sans raison, à regarder la mer par la fenêtre. Et quand je l'ai vu passer la porte de mon bureau, j'ai su pourquoi j'avais attendu. On dirait que je vous raconte un rêve, et pourtant ce fut ainsi. Bien des fois, au cours des deux conversations que nous avons eues, je fus stupéfait de me sentir comme halluciné. Plus je l'écoutais, plus ses yeux me fascinaient. C'est si vrai que je me souviens fort peu de la conversation. Mais je n'oublierai jamais comme tout le bureau me paraissait obscur quand il me regardait avec deux yeux qui semblaient des cavernes. J'aurais voulu appeler la police, mais rien ne s'était passé. En somme, il refuse de partir. Ma femme voudrait qu'il déménage au-dessus. Au dernier étage, il y a une vieille femme qui a une chambre libre. Qu'en dit Marco? Marco ne dit rien. femme est rien. Et ta femme? À la maison, personne ne parle. Et alors, qu'en pensez-vous? Tu ne m'as rien prouvé du tout jusqu'à maintenant. Non, je vous l'ai dit, c'est sûr, il n'est pas normal. Quelqu'un qui ne veut pas réagir, lui non, il n'a pas lutté. Mais pourquoi lui as-tu fait ça, et dis? Pour lui montrer à elle ce que c'est que ce Rodolphe. Maintenant, dites-moi, que dois-je faire? Elle a dit qu'ils allaient se marier. Elle l'a dit, oui. Et alors, qu'est-ce que je fais? Elle est libre de ses actes. Tu comprends? Laisse-la aller et donne-lui ta bénédiction. Tu n'auras plus un seul ami au monde. Tous, tous, ils te mépriseront, et même ceux qui t'en prennent maintenant, et tous ceux qui éprouvent ce que tu éprouves, toi, ils te maudiront. Et dis. Donnez-moi le numéro du bureau d'immigration. Merci. J'ai quelque chose à signaler. Des immigrants illégaux. Oui. Deux. Oui. Saxon Street. 441. Brooklyn. Oui. Rez-de-chaussée. Quoi? Non. Non, je ne suis personne. Quelqu'un du quartier. Quoi? Cette histoire que je ne veux pas qu'elle se marie. Je me suis donné tant de mal pour payer ses études. ainsi elle pouvait sortir avec des gens plus huppés. Pour qui l'aurais-je fait si je ne voulais pas qu'elle se marie? Mais enfin, elle m'aime. Mais c'est une gamine. Immigration! Ouvrez! Vas-y, allons! Il... Ouvrez! Qui est là? Immigration! Ouvrez! Un moment! Où sont-ils? Qui? Allons! Pas d'histoire! Où sont-ils? Si, si, nous n'avons personne. Samedi, je monte ici, dans le monde escalier. Regarde là-haut. Seigneur Dieu, es-tu? Mon Dieu! Qu'as-tu? Je t'emmène! Toi, tu me le paieras! calme, que dis-je, et ne sont pas accomplis. Je n'oublierai pas ça, Margot. Tu devras t'agenouiller devant moi. Ça va, en avant, les gars. Laissez-les. Celui-là, je l'accuse, celui-là, il a tué mes enfants, il leur a pris le pain de la bouche. Menteur! À l'avant! Vive Paris! Mais comment, Cristo Santo, je les ai nourris, j'ai enlevé les couvertures de mon lit pour eux. Je t'écoute, Marco, que vas-tu faire? Je peux te faire avoir la liberté provisoire jusqu'au jour du procès. Mais je ne le ferai que si tu me donnes ta promesse. Tu es un homme d'honneur. Je te croirai sur ta parole. Qu'en dis-tu? Dans mon pays, il serait déjà mort. C'est bon, je m'en vais. Non, je vous en prie, monsieur Alfieri, Marco. Fais-lui cette promesse, je t'en prie. Je veux que tu assistes à mon mariage. Et je ne veux pas de mariage si tu restes en prison. Rien promettre contre l'honneur, promettre de ne pas tuer, ce n'est pas contre l'honneur. Ta main, ce n'est pas Dieu, Marco, Dieu seul fait justice. D'accord. Bravo, Caterina, Rodolfo, Marco, allons. Je vais prendre Béatrice et vous rejoins à l'église. Dieu seul a carbone. Vedi carbone. Vedi carbone. Tu m'as sali mon honneur, comme si j'étais une ordure. Tu m'as mon honneur, Margot. Je plains cet homme-là parce qu'il fut lui-même jusqu'au bout, dans le bien et dans le mal. Adieu, Eddie Carbone. Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre une émission lyrique réalisée dans le grand auditorium de la Maison de l'Office de radiodiffusion et télévision française à Paris. Cette émission était consacrée au drame en deux actes d'Arthur Miller, Vue du pont, adaptation française de Jean-Marie Martin, musique de Renzo Rossellini. Voici quelle était la distribution. Eddie Carbone, Franz Petri. Béatrice, Jacqueline Albin-Brumer. Catherine, Eliane Lublin. Rodolfo, André Malabrera. Marco, Claude Gentil. L'avocat Alfieri, Bernard Demigny. Louis, Jean-Paul Vauquelin. Mike, Jacques Potier. Le premier agent, Jean Rallo. Tony, Joseph Perron. Texte de présentation de Denise Vautrin, dit par Jacqueline Claire. Mise en onde musicale, Ivan Devriès. Directeur du son, René Cambien, assisté de Jean Chapeau. Les interprètes, l'orchestre lyrique et les chœurs de l'Office de radiodiffusion et télévision française, chef des chœurs Jean-Paul Créder, étaient placés sous la direction de Gianfranco Rivoli.